L'entrepreneuriat, c'est quasiment initiatique aussi, quoi. Enfin, que on crée notre métier à partir de qui on est, à partir de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, des moments aussi de vie plus ou moins au top. Bonjour à tous, Ça dépote est un podcast où l'on rencontre des personnes inspirantes qui peuplent la serre. Mais avant tout, la serre, c'est quoi? Imaginez-vous à deux pas du bourg de Plougastel. Vous entrez par un petit portail blanc, devant vous un jardin avec une belle pelouse et un joli magnolia. Vous marchez une dizaine de mètres et vous tombez sur une maison. Vous passez ces deux portes, l'une blanche et l'autre en bois. Vous y voilà, bienvenue à la serre. Bienvenue dans notre espace de coworking, mais aussi ce tiers-lieu où germent de nouvelles idées. Je m'appelle Clément Huy, je suis photographe et vidéaste, et aujourd'hui je rencontre Muriel Gagné, astrologue à la serre. Bonjour Muriel. Bonjour Clément. Tu es astrologue depuis 12 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et en même temps, tu fais aussi de la formation guidance quantique. Est-ce que tu peux m'en dire plus déjà sur l'astrologie? Ça m'est venu il y a un peu plus de temps encore, mais dans un moment de gros changement de vie, en fait, où j'avais besoin de trouver des réponses sur ce qui m'arrivait, et de me connaître mieux. Aussi, mais j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait une explication à ce qui arrivait, enfin comme des dates qui revenaient régulièrement en fait, un événement assez important qui revenait à une date où c'était pas du tout anodin par rapport à ces dates-là. Et du coup, dans le même temps, j'avais un ami qui me disait qu'on était tous les deux du même signe, donc forcément ça expliquait des tas de choses et tout ça, et moi je me disais non, on se ressemble pas du tout, ça me parlait pas sur le moment. Enfin, j'avais peur que ce soit quelque chose qui vienne nous enfermer, comme avec 12 cases, enfin 12 signes du zodiaque, mais de connaître que l'horoscope en fait, qui est une vision assez partielle de l'astrologie. Même très très réductrice. Oui, c'est ça. c'est ça qu'on pense souvent aux horoscopes. Oui, ça peut être souvent associé du coup aux horoscopes ou à l'image de la voyante avec sa boule de cristal. Mais ce n'est pas du tout ce que je pratique. Et voilà. Et en fait, cet ami-là, c'est comme s'il avait semé une graine quelque part et que j'ai voulu lui montrer qu'on n'était pas pareil. Et donc, je suis tombée sur un thème astral entier. Avec du coup l'ascendant, toutes les autres planètes, etc. Et là, j'ai compris qu'en fait, il n'y en avait pas deux pareils et que c'était plus complexe que ça, quoi. Okay. Et ensuite, en fait, j'ai eu l'occasion de, en déménageant, de rencontrer des nouvelles personnes qui avaient une grande bibliothèque d'astro avec des super références. Et donc, je leur prenais tous les bouquins comme ça. Enfin, j'ai fait un peu une boulimie de livres, de... Ouais, tu t'es plongé complètement dedans. Ouais, à ce moment-là, encore un peu en surface, et puis à un moment donné, je me suis dit, non mais là, c'est tellement complexe que soit je continue vraiment à fond, soit j'arrête maintenant, parce que... Enfin, ça paraissait infini, quoi. Autant que l'univers, quoi. Et puis ça te prenait trop, après, je pense, au niveau du temps, c'était vraiment un moment où je le comptais pas trop. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est plus sur le côté entrepreneuriat, mais... C'était une période de ma vie où j'avais 24-25 ans, mais j'avais vraiment décidé de ne pas travailler quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante. Ouais. Et donc je vivais en collectif, on était plutôt dans une démarche de d'être autonome au maximum, de se débrouiller avec pas grand-chose comme revenu et de partager beaucoup de choses, quoi. Et du coup, vraiment, j'étais pas du tout dans une dynamique professionnelle à ce moment-là. Donc, j'avais quand même vraiment le temps de m'y plonger. Ouais. Mais ça me fait penser à... j'ai eu un moment, ce moment aussi, à me dire que je voulais pas travailler. Pendant un an, je suis resté à pas travailler et à tester des choses, quoi. Mais... au final, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'entrepreneurs qui en sont arrivés là comme ça, mais juste de pas avoir envie de travailler au sens classique du terme, quoi. De réinventer vraiment notre métier ou qu'il ait un peu aussi un peu plus de sens aussi Et du coup après j'ai eu l'occasion j'ai eu envie de poursuivre et de me former avec un astrologue parce que toute seule dans les bouquins à un moment donné ça manquait aussi d'un partage d'expérience de recul sur tout ce que je pouvais lire. Et donc je me suis formée à Paris avec un astrologue qui s'appelle Samuel Dion Gutenberg. Il avait plus de 40 ans de pratique de ce métier, en fait. Et du coup, ça m'a permis, avec ce groupe-là, pendant quand même 5 ans, d'avoir toute l'expérience que... Ben, pas toute celle que j'ai maintenant, mais en tout cas, d'avoir beaucoup plus de... Ben, une vision d'ensemble beaucoup plus grande et puis beaucoup plus de nuances aussi par rapport à tout ce qu'on peut apprendre dans les livres, quoi. Ouais, et ça te permet de confronter un peu les idées aussi, je pense, Ouais. d'être à plusieurs, de... Oui. Oui, et puis de... Bah, ça a été aussi quelque part 5 années un peu initiatiques où chacun, on était dans cette formation avec notre propre thème et de confronter la théorie au réel de nos vies à nous, enfin de ce qu'on avait vécu dans les passages de certaines planètes, voilà. Et du coup, bah, d'avoir aussi le retour de toutes ces personnes, enfin du vécu aussi des personnes de la formation, quoi. Et du coup, en fait, après, c'est venu de fil en aiguille que, bah, du fait que j'étais passionnée et que les gens le savaient, ben, il y a eu au départ des amis, des connaissances, tout ça qui sont venus pour pouvoir décoder aussi leur thème et connaître un peu plus ben, l'astrologie et surtout eux-mêmes, quoi. Et comme ça me plaisait beaucoup de les emmener un peu en voyage dans cet univers, ben, c'est devenu mon activité donc en 2013 où j'ai créé Graines du Ciel. Et Voilà. justement, pourquoi Graines du Ciel? Eh ben, Graines du Ciel, en fait, ça m'a paru un peu une évidence à ce moment-là. En fait, j'avais l'impression que la carte du ciel, enfin le thème astral, ou le thème natal, ou le thème astral, ou la carte du ciel, enfin, il y a plein de noms, mais c'est la même chose, ça me paraissait être comme une graine qu'on avait à la naissance, enfin, comme un peu, comme si ça contenait toutes les informations de ce qu'on allait pouvoir développer, dans notre vie. Mais que cette graine-là, en fonction de là où elle s'est plantée, dans quel environnement elle a grandi, eh ben, ça va pas donner la même chose. Donc il y a aussi notre parcours de vie qui interfère avec le vécu du thème natal. Mais par contre, dans le sens où une graine, elle contient déjà l'information de bah, si c'est un rosier ou un chêne ou un tilleul ou je sais pas, une betterave, quoi. Enfin, ça va pas devenir quelque chose Non, c'est d'autre, quoi. ça, oui. Et du coup, pour moi, ça nous ramenait à cette singularité-là qu'on a tous d'être nés à ce moment-là particulier avec tout ce potentiel et qu'on pourra développer plus tard, quoi. Et après, ce qui m'a plu aussi dans Graines du Ciel, c'est que bah, déjà, moi, j'avais l'impression de semer des graines aussi en accompagnant ou en ayant ces moments-là d'échange avec les personnes qui venaient. Et aussi de ramener à quelque chose d'assez concret. Enfin, pour moi, graine du ciel, c'est pas quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est pas une graine céleste ou je ne sais quoi. C'est plus quelque chose qu'on va planter en terre et faire fructifier dans notre concret aussi, quoi, dans notre vie terrestre. Pas juste connecté, Non, je mais sais c'est pas, ça. au Moi, ça me ciel faisait ou à... penser à tu prends une étoile et tu la plantes, quoi. Ouais, Et c'est un bah oui, peu c'était dans un peu l'idée, ça dans l'idée. Et Ouais. du coup, tu parles beaucoup du thème astral. Ouais. Et alors, pour des gens, moi, Ouais, j'y connais qu'est-ce pas que c'est grand-chose. qu'un Qu'est-ce que thème c'est? Parce astral? que du coup, c'est Si assez. on a un mot là. Ben, un thème astral, en fait, c'est le dessin des planètes au moment où on est né, à la minute près où on est né, enfin, vraiment, et à l'endroit de la Terre où on est né aussi. Et où, du coup, on va avoir une carte avec ben, la position de chaque planète qui vont être dans différents signes du zodiaque. Le zodiaque, du coup, il a ces 12 signes qu'on connaît des fois de l'horoscope. Hein. Et donc, ce qu'on sait de notre signe, en général, c'est juste la position de notre soleil. Oui, c'est d'où le Ben, en lien bélier, avec le lion, mois, quoi. Oui, ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Oui, bélier, taureau, etc. Et ensuite, du coup, bah, il y a aussi le signe de la Lune, de Mercure, de Mars. Et c'est comme si chaque planète était un peu un personnage, enfin un archétype, un personnage qu'on va décoder de manière symbolique. C'est comme une langue, en fait. Pour moi, c'est une sorte d'alphabet symbolique. Ouais, c'est ça qu'on va pouvoir aller décoder ensuite. Et ensuite, chacun de ces personnages va pas se déployer de la même manière ou va pas interagir de la même manière en fonction des signes dans lesquels ils se trouvent, quoi. Mais du coup, ça veut dire que là où c'est beaucoup plus complexe que juste l'horoscope, ça veut dire que on peut être bélier, mais avec plein de planètes en taureau ou en lion ou en... Enfin, voilà, dans tout autre signe. Et du coup, qui fait que peut-être on va pas se reconnaître complètement dans ce signe-là, parce qu'on est bien plus que juste ce signe-là, quoi. Et ensuite, bah, c'est une carte qui évolue. Enfin, pour moi, la notion de cycle, elle est hyper importante et précieuse. C'est que c'est comme si c'était quelque chose d'inscrit au moment de notre naissance, au moment de notre premier souffle, comme un miroir, en fait, entre nous et le ciel, enfin nous et l'univers, et qu'on peut observer plus facilement comme ça à l'extérieur, mais que c'est voilà la même chose à l'intérieur. Et ensuite, voilà, cette carte, elle va continuer d'évoluer en fonction des cycles planétaires dans lesquels on se trouve. Enfin, par exemple, je sais pas, Jupiter, il met 12 ans à faire un tour, mais du coup, en 12 ans, il va aller passer sur tous les points de notre thème qui sont inscrits à la naissance. Et Enfin... donc ça définit, ça peut définir un état entre Ouais. guillemets, à un moment. Oui, à un moment donné, enfin, à un moment T, quoi. Et du coup, c'est pour ça que l'astrologie a souvent été utilisée pour faire des prédictions, parce qu'on peut savoir à quelle année il va y avoir Uranus qui passe sur notre Soleil ou sur... Donc on peut Voilà. imaginer et prévoir un petit peu les états. Ben, pour moi, je l'utilise pas comme une prédiction, c'est juste que c'est... Parce que j'ai la croyance que notre futur, il va changer à tout moment en fonction de ce qu'on a... des choix qu'on pose dans le présent. Et c'est tout le jeu qui est très souvent présent entre le destin et le libre arbitre, en C'est fait, ça. quoi. Et en même temps, eh ben, y a quand même réellement des choses où, quand on regarde dans le passé, nos grands changements de vie, ils sont quand même toujours synchro avec des gros passages de planètes lentes, quoi. Enfin, des planètes qui passent pas là tous les 4 matins et qui, quand elles sont là, comme une sorte... Enfin, moi, je me dis que c'est comme une sorte de rendez-vous et que... Ça donne un timing un peu à notre Je vois. évolution. Voilà. Bon, c'est ma vision en tout cas. Non, mais c'est bien Ouais. parce que pour le coup, je me suis pas jamais trop intéressé à ce sujet. Ouais. Et j'avoue que pour moi, c'était assez. C'était pas très. Pas clair, Pas quoi. clair, non. C'est ça. C'est sûr. Et que. Ça, ouais, c'était très abstrait Ouais. et j'avais du mal à comprendre ce que c'est. Là, Ouais. au moins, j'ai compris déjà le thème astral. Donc, La base, c'est bah ça. oui, après ça c'est l'outil de base. Et ensuite, enfin moi, ce qui me porte beaucoup, c'est le fait que ce thème, il n'est pas là pour nous enfermer non plus. Tu vois, il est vraiment plutôt là comme un outil pour apporter de la compréhension, soit sur notre vécu actuel ou passé, soit sur nos fonctionnements, tu vois, émotionnels, relationnels, nos besoins, nos comment. Comment être notre rythme ou nos élans, etc., intérieurs. Et... Mais que ça, c'est une base, quoi. Qu'il y a mille manières de l'interpréter. C'est Je pas vois. Donc en fait, enfermant, quoi. quand tu quand t'accompagnes quelqu'un, en fin, tu fais le thème astral avec la personne et Ouais. tu définis un peu les états ou tu essaies de comprendre pourquoi la personne est comme ça. Bah oui, quand c'est en tout cas en rendez-vous, on prend toujours 1 heure pour développer ce thème-là de naissance, quoi, qui est la base. Si je le comprends pas, ça sert à rien de voir ensuite ce qui peut évoluer. Mais c'est un échange, en fait. C'est comme si on avait comme support le thème astral, mais on dialogue, on échange. Et c'est aussi du coup un moment pour la personne de se déposer, de faire un point, de prendre du recul sur ce qui lui arrive ou voilà, d'arriver à avoir un autre point de vue, une autre perspective quoi sur ses fonctionnements et son vécu. Tu fais aussi du coup de la formation en guidance quantique. Ouais, bah ça c'est encore un autre outil. Et c'est ça, et rien que le terme fait peur. C'est... Comment tu définirais la guidance quantique? Ouais. Bah disons que ça pose quelques grands principes, mais avant tout, c'est un outil en fait qu'on appelle de réinformation du coup par la parole, comme si les mots, la voix, elles portent une vibration et qu'elle peut venir changer notre réalité. Un peu comme de partir du principe que, je sais pas, de la manière dont on va se lever le matin, ça peut conditionner aussi notre journée ou notre regard sur la journée. Ça ne va pas forcément changer tout, mais ça va changer notre perspective, notre regard. Et du coup, avec cet outil-là, c'est comme si on allait explorer en fait toutes les croyances qui ont fondé notre système, enfin notre être en fait, qui font qui on est, et aller comme faire du tri entre celles qui sont toujours valables et celles qui ne le sont plus du tout, parce qu'en fait on a évolué quoi, Ouais. on a bougé, on n'est plus la même personne, on n'a plus le même environnement. Ou, Et comment justement comment ça se... bah, du coup, concrètement, en séance, c'est que j'utilise en fait tout un tas on va dire, de classeurs, de textes, de mots, et je vais aller nommer tout ce qui résonne comme un oui à l'intérieur de mon corps. Bon, ça, Ouais. ça demanderait plus de développement, mais en tout cas, comme si j'avais un test à l'intérieur pour sentir le oui et le non, et qui va me guider tout le long de la séance, et d'aller, du coup, dire à voix haute, voilà, tous les mots qui peuvent être une Ouais. émotion, une phrase, une croyance. Et ça me fait beaucoup penser au pendule, Ouais. parce que Bah, finalement, c'est c'est comme un... un pendule intérieur, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Bah, j'utilise souvent un pendule, mais qui est comme la prolongation Oui, c'est ça, de ouais. ce mouvement interne, en fait, de ce retour-là au corps. Et ensuite, en fait, au cours d'une séance, bah, on part de la problématique avec laquelle la personne arrive. Et du coup, c'est comme si ça allait pointer bah, avec précision, en fait, certains, enfin, voilà, certains, Ouais, certains points forts. bah, très parlants, quoi. Ouais, je vois. Et bon, ça reste encore un peu abstrait. Bah après, je pense que c'est le genre de choses qui s'expérimentent Oui. plus que... Ben oui, Parce c'est que... sûr que c'est beaucoup plus en expérimentant qu'on se rend Ouais, compte de ce que c'est. c'est ça. Et j'aime pas spécialement y mettre des tas de théories non plus. C'est vraiment aussi l'expérience de ça, enfin, qui m'a donné envie de le faire en séance et Ouais, de ouais. former aussi maintenant, quoi. Et donc c'est quand même dans la... Oui, c'est dans la ligne. C'est quand même assez... Ça se rapproche quand même de l'astrologie ou... Enfin, c'est quand même Non, différent. c'est deux outils Ouais, c'est quand vraiment même deux... différents. Après, j'utilise les deux. Disons que là où les deux se mélangent un peu, c'est que dans les séances d'astrologie, finalement, ça m'a aussi donné une conscience peut-être encore plus grande des mots que je peux employer, de pas aller réenfermer quelqu'un dans une caricature de son signe, ou de, parce que mine de rien, même qu'on y croit ou pas, on a tous des grosses caricatures sur nos signes astro. Oui, ouais. Et du coup, bah, ça m'a plutôt donné ce truc d'ouvrir au maximum les horizons et pas enfermer, quoi. Enfin, Ouais. plutôt toujours ouvrir les possibles et voir chaque signe, pas. Enfin, forcément, on va aller voir aussi les choses des fois un peu moins confortables de certains signes, ou des tendances qu'on peut avoir. Mais vraiment, toujours aussi bah, ce qui va permettre de repartir confiant et serein dans sa vie, quoi, pas l'inverse. Bah, tant mieux, c'est Bah, mieux quand oui, c'est mieux, même. mais voilà, enfin, plus comme si ça donnait une conscience, que bah, comme une responsabilité, en fait, des mots ou des phrases qui vont rester en tête et Ouais, qui sont pas ouais. anodines, quoi. Et après, sur cette notion de futur, ben, bon, je savais déjà que je ne voulais pas faire de prédictions et que c'était pas du tout mon éthique en tant qu'astrologue. Mais là, ben, peut-être ça répond peut-être aussi au côté quantique. Enfin, de parler de quantique, c'est que c'est une méthode où il y a, ben, tout un tas de théories autour, où du coup on va parler de, comme d'aller un peu naviguer sur plein de lignes de temps différentes, d'aller poser notre attention dans le passé, mais des fois aussi dans le futur, d'aller voir ce qu'on a posé comme intention sur notre futur, même inconsciemment, et qui est en train de créer ce futur-là. Et du coup, enfin, ça paraît un peu science-fiction, mais c'est comme si on venait remettre du mouvement dans tous les espaces, mais autant, ouais, passé, présent, futur, Ouais, qui se tu en fait mélangent. tu Enfin, bouges en temporalité tout le temps, enfin c'est... ouais. Et en même temps, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est comme si, finalement, des fois, notre futur, on le crée à partir d'expériences passées négatives, où on a enregistré qu'on a associé tel truc à quelque chose de Ouais. négatif. Et du coup, bah, on recrée sans arrêt cette expérience. Et du coup, d'aller mettre son attention à cet endroit-là de notre vécu, bah, ça permet de réouvrir. Ouais. De réouvrir, de, dans, enfin, d'enlever. C'est Oui, pas c'est comme si on se d'aller... débarrassait de Ouais. cette croyance, mais juste de l'accueillir et de voir qu'en fait, on peut poser un nouveau choix maintenant et du coup créer autre chose pour la suite de notre vie. C'est analyser, ouais, c'est analyser pour Ouais. mieux, enfin, mieux comprendre et mettre Ouais. des mots sur ce qu'on a vécu, c'est. Ouais. Et là, dans ce que tu dis, du coup, ça me donne envie de repréciser aussi que c'est pas forcément une séance qui est vouée à apporter de la compréhension. Enfin, des fois, enfin, au niveau mental, en tout cas, ça peut avoir beaucoup de sens et être très éclairant. Mais le but, c'est plutôt comme si on venait s'adresser à notre corps ou à nos cellules, enfin, et à remettre du mouvement et une vibration différente à un niveau encore plus profond, quoi. Enfin, pas forcément que au niveau mental, quoi. Ouais, ok. Bon. Non, mais c'est Ouais. enfin, c'est plus C'est un clair, peu hein. plus. C'est clair. Après, je pense que il faut ces genres de C'est un enfin peu ce plus genre de clair. choses, comme je disais, je pense qu'il faut expérimenter et Bah vivre. oui. Ouais. Alors, on va partir. Toi, tu es arrivé à la Serre il n'y a pas si longtemps que Récemment, ça. ouais. En décembre. Ouais, c'est ça, Ouais. décembre. Tu es avec Pierre, ton mari. Ouais. Et À donc, qui je partage le cabinet, ouais. c'est Ouais. ça. Et pourquoi, du coup, avoir choisi la Serre? Et Eh qu'est-ce que tu retrouves, ben, finalement? ouais, est-ce que. Bah pour, moi, je mets toujours du temps un peu à atterrir, à arriver dans un lieu, dans un groupe. Et du coup, on a d'abord investi rien que ici, notre bureau, quoi. Ben, je dirais que la première chose, c'était quand même de sortir de la maison. Parce que quand on est entrepreneur, on est quand même souvent ben, non-stop. À la maison, à pas forcément avoir une délimitation entre la vie pro et la vie perso, encore plus quand on est un couple d'entrepreneurs et que tout tourne autour de ça, du coup. Et puis en plus, c'est souvent des métiers passion. Bah Et oui, donc, c'est du coup, en ça. fait, Ah ça te bah non, prend mais tout le moi je temps. m'arrête jamais en fait. Enfin, Ouais, c'est c'est vrai, ça. j'ai du mal. Enfin, je pense que les trois quarts de mes soirées, je suis en train de préparer des séances ou de la com ou enfin voilà tout ce qui fait partie aussi de notre métier quoi. Et donc c'était vraiment déjà ça le premier élan en fait de sortir d'uniquement le petit cocon de la maison. Et ouais donc vraiment dans cette dynamique de s'ouvrir au monde, ça faisait longtemps en fait que je connaissais l'existence de la serre mais que j'ai ben je sais pas, je franchissais pas forcément le pas. En fait en soi, c'est enfin on avait aussi, enfin en fait l'été, je monte une grande tente dans le jardin et je recevais là-bas dans mon jardin. Enfin, presque un genre de grand tipi, hein, c'est pas une Ouais, tente chez genre soi. non, genre une Mais yourte ou limite voilà, ouais. mais plus, voilà, plus légère, plus simple à installer aussi. Mais du coup, l'hiver, c'était dans mon bureau à la maison et j'avais plus envie de recevoir à la maison, quoi. Enfin, dans un espace qui est quand même très intime et que moi, je préférais aussi délimiter ça. Et après, dans cette ouverture sur le monde, pour moi, c'était aussi rencontrer justement d'autres entrepreneurs, bah, comme toi, comme les autres collègues de la serre, que ça se fait petit à petit. Et c'était aussi pour moi un intérêt de, bah, comme on fait là aussi, de pouvoir expliquer peut-être de manière plus simple à des personnes qui connaissent pas du tout ces outils-là, ou cette vision du monde même carrément. Pas dans le but de convertir tout le monde, mais juste comme une sorte d'exercice où j'aimais bien être entourée d'entrepreneurs qui font complètement autre chose et pas que des entrepreneurs du bien-être. Parce que du coup, bah, évidemment, ça a été mon cercle d'entrepreneurs autour de moi, c'est quasiment que des personnes qui sont dans ce Ouais, qui sont milieu-là, autour et mais tout, du ouais. coup, qui. Bah, si, je dois expliquer aussi, mais il y a déjà une sorte d'affinité. Mais qui aurait pas forcément avec n'importe qui viendrait me voir en rendez-vous. Donc il y avait ça aussi. Et puis, ben, mine de rien, ça a beau être depuis 2013 donc, que je suis installée avec Graines du Ciel, je pense que ça m'a mis vraiment beaucoup de temps avant d'accepter aussi ce rôle d'entrepreneur. Enfin, de ce rôle ou cette casquette d'entrepreneur, quoi. Comme si c'était plus la casquette astrologue. Où je voulais que juste accompagner des gens et pas m'occuper de tout ce qui va être Ouais, affiches, com, réseaux sociaux, et puis le compta, financier, ouais, etc. c'est Ouais, ça, toute une gestion qui fait complètement partie en fait du travail. En fait, si j'ai envie que ça marche, je suis Oui, obligée c'est ça, ouais. de m'y mettre. Et donc j'aimais bien aussi être entourée de cette dynamique-là, où ça c'est quelque chose qu'on partage tous, quelle que soit notre branche, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'en notre passion, notre métier, quoi. discutant à la serre, c'est souvent, on retrouve souvent les mêmes problématiques. Ben oui. Et ça fait du bien aussi de pouvoir en parler à des gens qui Ouais. comprennent un peu plus que. Oui, que avoir que des questions de mais ça marche. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que souvent, en dehors de, si c'est pas des gens, c'est des gens qui sont un peu pas entrepreneurs ou quoi que, ou autre, bah souvent ils vont juste savoir est-ce que tu gagnes ta vie avec Oui, ça. voilà, Et en mais fait, c'est mais pas la question c'est qui ça, va le plus m'intéresser, mais. c'est plein de casquettes de façon entrepreneur et Ah bah ouais, c'est comme avoir 6 ou 7 métiers en un. c'est ça. Et donc Ouais, faut réussir à et se être bon. réinventer aussi en permanence, quoi. Enfin, là, en tout cas, c'est ce que je vis déjà depuis 10 ans, et je pense que ça n'a pas fini de s'arrêter. Enfin, d'à chaque fois me dire, mais en fait, est-ce que ça résonne toujours pour moi de faire ça, ou de le présenter comme ça, ou d'utiliser cet outil ou un autre? Quand je fais de la vidéo, de la photo, je me pose toujours la question, il y a souvent, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Ouais. Et en fait, est-ce que, enfin, c'est, il y a, après, je pense qu'il y a le côté aussi, réussir à en vivre tout en gardant ce côté passion, Ouais. peut être des fois, je trouve, un peu compliqué. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Articulé. Bah d'autant que moi je voulais pas du tout que ça rentre en bah dans le lien avec les clients ou les personnes qui viennent pour une séance. J'ai pas envie qu'on sente la pression financière derrière, quoi. C'est pas du tout confortable ni pour Non, moi c'est ni sûr, pour ouais. l'autre, quoi. Et ouais, du coup ça fait qu'il y a eu aussi dans ces 10 ans-là pas toute une période où j'avais un autre boulot salarié à côté, Ok. mais où du coup je me retrouvais à faire des semaines de 50 heures parce que bah je continuais l'astro autant que d'habitude, quoi. Et donc à un moment donné, ça a eu besoin aussi Ouais, et puis je pense que t'as vraiment de faire un explosé stop, un quoi. peu. Ouais. Bah c'est comme un choix. Enfin, je pense qu'on oscille tout le temps aussi, hein, entre des périodes où l'insécurité financière peut reprendre, et C'est ça, puis d'autres enfin des moments où ça oscille beaucoup, c'est ça. où ça marche à fond, puis d'autres plus hop, gros creux. Enfin. Enfin, je sais que justement, tu commences à. Justement, par rapport à la serre, tu t'assistes aux récoltes et tout. Ouais. Et donc, pour toi, est-ce que ce critère un peu associatif Oui. ou c'est plus un projet collaboratif et qu'on a un peu, on peut être à peu près décisionnaire dessus? Ouais. Bah oui, ça me parle. Bah comme je disais tout à l'heure aussi, en fait, moi j'ai enfin mes 10 premières années de vie d'adulte, je vivais en collectif, et même après, oui, je suis retournée encore quelques années dans des grandes maisons, enfin des grandes maisons collectives en colocation, mais avec qui on avait vraiment des projets communs, quoi. Et du coup, je pense que ça fait vraiment partie aussi de ce qui me plaît dans l'humain. Et là, même dans ce que tu parlais de mes activités, en fait, moi, ce que j'ai l'impression que là où je me sens encore mieux, c'est quand je peux proposer des stages en groupe et de vivre des expériences en groupe collective, et comme si ça donnait un peu cette sensation qu'on peut faire bouger les choses à notre petite échelle, mais que ça. On se sent plus fort à plusieurs. Ouais, ouais, C'est ouais. non mais Bah en tout cas, oui, je crois pas du tout au fait qu'on peut s'en sortir tout seul, quoi. Du coup, c'est pour moi une façon de réinventer autant le travail et le partage entre êtres humains. Parce que c'est quand même un métier très humain, Oui, profondément humain, ce totalement, que je fais. Donc, pour moi, c'est encore. Enfin, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est aussi une manière de voir où j'en suis par rapport aux autres, par rapport au groupe, d'assumer, de parler de ce que je fais dans un groupe. Si tu veux, on peut faire le petit oracle, si Bah ça ouais, voir ce t'intéresse. que ça Voilà, c'est amène ça. d'autre. Donc je te laisse choisir une carte. Mais non, l'énergie du jour. Ouais, ok. Donc, est-ce que tu peux me décrire un peu ta carte? Il y a l'océan, la mer en bas, il y a un ciel tout en dégradé là de orangé ou bleu. Ouais, de coucher Ouais, un peu de coucher de soleil. ou de Ouais, lever, je plutôt sais. coucher de soleil parce qu'il y a la lune. C'est vrai. Enfin, elle est là aussi la journée, mais. Et donc, il y a les différentes phases de la lune qui sont représentées. Donc, c'est le cycle des marées. Et qu'est-ce que ça t'inspire du coup? Déjà, le fait que. Enfin, en tout cas, oui, la nature cyclique, elle est hyper présente dans mon quotidien, déjà, parce Ouais, que oui, c'est ce bah que déjà. j'observe au quotidien. le cycle de la lune, mais pas uniquement de la lune. Ben, en fait, c'est marrant, ça me parle aussi de... Je dirais qu'il y a une grande partie de mon choix d'être entrepreneuse qui tient aussi dans le fait que j'ai vraiment profondément besoin et envie de respecter mes cycles à moi, enfin mon rythme à Oui, moi, et ouais. T'es pas obligé de travailler de 8, de 9h à 17h, Non, voilà. non, c'est ça. Ouais. Non, non, de pouvoir, et même ici, d'être contente aussi d'avoir un bureau où je peux venir quand j'ai envie, et souvent je commence ma journée vers 14-15 heures et je la termine à minuit 1 heure, quoi. Ça fait vraiment partie de mes choix de pouvoir suivre mes rythmes et aussi au niveau de l'année, en fait, de reconnaître qu'il y a des moments de l'année où j'ai moins de personnes qui viennent, mais j'ai moi aussi besoin d'être plus avec moi-même et puis d'autres où je sais qu'après ça repart, quoi. Mais voilà, d'accueillir et d'accepter tous ces cycles-là, autant en tant qu'entrepreneur que... Accueillir le changement avec confiance. La mer n'est jamais immobile, sous l'influence des astres. Elle décrit le cycle infini des marées dans le cadre de celui des saisons. Rien ne reste statique, tout est fait de changements, comme notre vie qui ne cesse d'évoluer. Bah, c'est pas mal raccord avec ce que je fais de toute façon. Merci en tout cas pour ce podcast. Bah, merci à toi pour J'espère que ça tes t'a plu. questions et bah oui, il y aura encore mille choses à dire et à partager, mais ça, ce sera dans mon podcast C'est à ça, moi voilà, exactement. quand je l'aurai enregistré ici à la serre. Tu as aimé l'épisode? Je t'invite à donner ton avis sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcast et le partager autour de toi. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, le mardi 27 juin, avec Camille Auffray, artiste peintre. Je compte sur toi pour t'abonner et partager un maximum ce podcast. À bientôt !